Bonsoir tout le monde, lundi 24 novembre, bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusinier, on est ensemble pour une heure de rock indépendant d'Indie Rock. Ce soir, j'ai pour vous, entre autres, plusieurs nouveautés intéressantes, entre autres du Kim Deal, du Clock Room, également du Geriatos, au savoir du vieux Solids qui précède de leur album, leur sœur album de Solids, excellente musique également, donc... Et pour la liste complète des chansons, ça se retrouvera à la fin sur le CISM893.ca. On va commencer avec trois chansons. On y va avec Monsieur Marvelous Mark, qui est le nouveau projet d'un ancien membre de Marvelous Darlings, qui est un groupe de Toronto. C'est un peu mêlé ce qui suit parce que, en fait, on a la chanson I Don't Mind, un single qui est sorti il y a quelques temps, pas tellement longtemps en fait, sur Burger Records. Je crois que ça précède un album qui s'en vient sur la même étiquette, album qui s'appellera Husband Material. Donc, dans tous les cas, on écoute à l'instant Marvelous Mark, I Don't Mind. Yeah. Nothing makes a boy like a Costco run plus. Realizing the end of it, come on a weekend and weak friends. All the ones you hesitate answer you unless it's convenient. Bon voyage, forget that old world. Old generation darkest slump of my life. Don't know if I'm coming back. The 7-1 natives are gone. Sweet to chew at the start, now it's dull on the tongue. Caught a psychic fever on the sick flip phone lines. Spotted M&M and rolling by near the autos. Cheap lottos. Spent a buck and won it back. The man would laugh and lose like he thought so. Bon voyage, forget that old world. I'm reaching away. Vacation de la formation Crying qui propose, comme vous l'avez entendu, de la power pop 8 bits, oui, donc idée originale, si c'en est une. Leur album qui s'appelle Get Old est sorti l'année dernière et est disponible en écoute sur le wearecrying.bandcamp.com. C'était précédé du duo Jambe avec Fuck Tout puis Reste de leur mini-album sorti, lui, en 2012. Et pas de nouvelles depuis ce moment-là de la formation Jambe et aux dernières de la formation, bien le duo est un peu en pause parce que Jean, qui était le chanteur-guitariste du groupe, est retourné et redéménagé à Rouyn-Noranda. Donc, un peu difficile de faire un projet musical entre Rouyn et Montréal, vous allez comprendre. Sinon, ben l'autre portion du groupe, lui, Benoît, est dans Jésus les filles et Le monde dans le feu, entre autres, si vous voulez l'entendre. On va poursuivre maintenant avec la musique de Kim Deal, qui est l'ancienne bassiste des Pixies. Depuis quelques années, En fait, elle a quitté la formation de Pixies pour une deuxième fois en 2013 et depuis quelques années, oui et moi, elle a sorti quelques chansons sous son propre nom, donc Kim Deal. La semaine dernière, on a eu droit à une nouvelle chanson qui s'appelle Biker Gun, qui est accompagnée d'un vidéoclip disponible sur Vimeo, qui est tourné dans un salon funéraire, en fait, dans les funérailles d'un motard, donc ça va avec le titre de la chanson, dans lequel on voit aussi donc Madame Kim Deal et aussi Kelly Deal, sa sœur, et M. Britt Walford, tous les deux qui étaient dans la formation originale de Day Breeders. Donc, Madame Deal s'est entourée de gens qu'elle connaît pour cette nouvelle musique qu'on écoute donc à l'instant. Biker Gun de Kim Deal sur les ondes du 89.3 CISM. Biker Gun. Thank you. Dream Warden de la formation Cloak Room qui nous a visité pour la dernière fois. C'est en septembre dernier à la Sala Rossa pour promouvoir un nouvel album en fait qui s'en vient bientôt, oui, en 2015. Donc pour promouvoir ou pour se pratiquer en prévision d'un album qui s'en vient en début d'année sur Run for Cover Records. Et en attendant, ils ont lancé il y a quelques jours un single, en fait un 7 pouces qui comprend deux chansons, dont celle qu'on a entendue, Dream Warden, également une deuxième chanson qui donne quant à elle dans le emo post-hardcore. Donc quand même assez intéressant à aller entendre. Et juste avant, vous avez aussi entendu la musique de Creepoid avec Naljua. Et le groupe de Philadelphie, lui, il a accompagné Cloakroom dans certains spectacles. Donc, celui à Montréal, je suis pas sûr. Il y avait la formation Work qui les accompagnait, mais Creepoid, je pense que c'est pas d'autres dates de la tournée. Enfin, dans tous les cas, on poursuit avec la musique de Quilty, l'ancien groupe de Sadie Dupuis, leader de Speedy Ortiz, qui, on a appris aujourd'hui, travaille sur un nouvel album à paraître eux aussi. Au début de l'année prochaine, on retourne donc du côté de son ancienne formation, l'album Clover Coriander, la chanson Tags de Quilty sur les ondes de CISM, l'émission Le Terminus. We'll be right back. come back for Indian summer and go our separate ways. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground. We'll wear a jolly crown. Back up high, we were bound. Welcome back for Indian summer. Welcome back for Indian summer. Welcome back for Indian summer. We go our separate ways. Let's try. Communions, un quatuor post-punk danois qui nous chantait la chanson So Long Sun, une chanson qui sortait au début du mois. Sinon, dans son actif, le groupe a également un mini-album intitulé Cobblestones qui est sorti au début de l'année, au mois d'avril, je pense, et qui s'inscrit quand même assez bien là, dans le courant musical de la scène copenhaguienne, si ça se dit. Scène post-punk qui compte aussi dans ses rangs là, des illustres groupes comme Ice Age et Holograms. Donc, un troisième groupe à observer ou à suivre. Je pense qu'il y en a vraiment d'autres aussi. Allez voir de ce côté-là pour la scène de Copenhague. Vous avez aussi entendu dans les dernières minutes B-Forest qui reprenait Indian Summer, une chanson de Beat Happening qui remonte à 1988. Et je vous jure que ce n'était pas planifié à l'avance, cette chanson. Je l'avais déjà prévue et aujourd'hui, on a le retour, la troisième vague de l'été des Indiens qui est parmi nous. Voilà, c'est ça. Et on va maintenant continuer avec la musique de Solids, la face B d'un 7 pouces qui sortait en 2011, donc la chanson Blown Out qui est accompagnée de la chanson Fog Friends, attention. On écoute la chanson Blown Out de Solids à l'instant. Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Interminus sur les ondes de CISM. Jean-François Lusignan avec vous. Un groupe de la Nouvelle-Orléans, New Orleans, c'était Candy Wumpus avec Company qui se retrouve sur un mini-album, un EP featuring Honest qui est disponible depuis le début du mois, seulement du mois de novembre. C'était précédé d'eau trouble du défunt groupe Protofiev, malheureusement défunt groupe qui aura montré quand même des belles choses au concours des Francouvertes plus tôt cette année. Concours qui va bientôt redémarrer, je me semble que c'est vers février que ça recommence. Enfin, Protofiev au trouble, malheureusement, c'est terminé pour eux. Et c'est également terminé pour l'émission de ce soir, au Calien. J'espère que vous avez apprécié cette émission, comme j'ai eu du plaisir à vous la présenter. Restez à l'écoute dans quelques instants. Roman Blouin sera avec vous pour Nous sommes les rockers. Pour réécouter l'émission de ce soir, voir la liste des chansons, dirigez-vous sur le CISM893.ca. Sinon, les archives, eux, se retrouvent sur leterminus.ca. On va se quitter avec un duo assez improbable. Il va y avoir les frères Newbuck qui font du folk assez déjanté. Il y aura également Gyriatos, eux font du punk déjanté. Ensemble, ça va donner quelque chose d'assez spécial. Enfin, on écoute ça ensemble. J'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, oui, pour une autre édition du Terminus. Ciao! Il faut creuser des tranchées ou pratiquer la nage indienne entre deux chalutiers. Accomplir mes rêves d'enfant de routier, un chapeau bien lissé à la sauce western. Il y a même des grades pas chères sur n'importe quel marché. Je descends Mississippi, je me laisse aller à la dérive. Je descends Mississippi, j'ai l'impression d'être un vrai. Je descends Mississippi, y'a même plus. Sur terre.